إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم الحمد لله Donc on commence aujourd'hui le cours 80 dans la lecture du livre اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم écrit par le cheikh Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans le commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala kitab iqtida al-sirat al-mustaqim. Et donc on a commencé au dernier cours à expliquer les hadiths qui sont reliés yani à qu'est-ce que font les juifs et les chrétiens du fait qu'ils font des ils font des tombeaux ou ils construisent des lieux de culte à l'endroit où leurs prophètes ou leurs hommes pieux sont enterrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits pour ça. Et on a mentionné plusieurs hadiths à ce sujet. Et le premier hadith qu'on avait mentionné, c'est le hadith dans lequel il dit « La'natullahi ala al-yahoudi wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid » C'est-à-dire que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière, des lieux d'adoration. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha dans As-Sahihain, qui est rapporté par Aïcha. Elle mentionne que Umm Salama et Umm Habiba ont mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam une église qui s'appelait l'église Maria. Et c'était en Éthiopie, lorsqu'elles ont fait la hijra en Éthiopie, et elles disaient que c'était un endroit qui était comme que c'était beau et que c'était décoré et qu'il y avait également des dessins ou des statues. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a mentionné ça, il a dit ce sont des gens qui, lorsque meurt un d'entre eux parmi les un homme pieux parmi eux ou bien un serviteur pieux, eh bien ils construisent sur sa tombe une église ou un lieu d'adoration et ils font ce genre de statue ou ce genre d'image à l'intérieur. Et il a dit à la fin ulaika shirarul khalqi 'inda Allah, c'est-à-dire que ce sont les pires créatures pour Allah, ce sont les pires créatures. Et il mentionne ensuite le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombeaux et les cimetières, des choses comme ça, puis ceux qui mettent des éclairages, des chandelles ou des lanternes là où il y a les cimetières ou les tombeaux. Et ça c'est rapporté par أهل السنن الأربعة أبو داود الترمذي النسائي et ابن ماجة selon ابن عباس رضي الله عنهما. D'accord, donc ça c'était les hadiths en question. On a commencé à lire l'explication de ces différents hadiths et on a expliqué que dans l'explication on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc, pendant qu'il était dans l'agonie de la mort, il a mis en garde sa umma de ce que faisaient les juifs et les chrétiens en mentionnant la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Et il mentionnait ça, bien entendu, pour que nous, on ne fasse pas la même chose. Hein, pour pas que les musulmans disent « Oui, mais si les gens du livre ont fait ça, et eux, ils étaient avant nous, ils avaient des livres, ils avaient plus de science que nous, donc nous aussi, on doit le faire. » Donc, il a mentionné que pour que des musulmans se disent pas ce genre de choses, eh bien, il a averti les musulmans de ne pas tomber dans cette erreur-là. Et donc, c'est pour montrer en même temps le danger. Et c'est pas juste pour nous informer, hein, mais c'est pour nous mettre en garde vis-à-vis de ceux qui s'accrochent aux morts ou qui cherchent de la bénédiction auprès des morts et de leur tombeau, de la terre qui est autour de leur tombe, et pour éviter que les gens tombent dans ce genre de d'égarement-là, pour pas qu'ils cherchent protection ou refuge auprès des morts et de leur offrir des actes d'adoration, comme le fait de leur faire des sacrifices ou des offrandes, de leur faire des vœux ou différentes formes d'adoration, puisqu'il n'est pas permis d'offrir une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui a créé. Et on a été créé pour l'adorer seulement, lui seulement, et personne d'autre que lui. Et donc l'adoration, c'est un des droits d'Allah. On a mentionné le hadith de Mu'az, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans lui associer quoi que ce soit. Donc on était arrivé là. Maintenant le cheikh Al-Fawzan, il continue à expliquer les autres hadiths. Il dit: wa fi hadha al-hadith min al-fa'ida anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bashara aw bashara ya'tarihi ba'nam anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bashar ya'tarihi ma ya'tari al-bashar min al-maut wa as-sakarat wa hadha khilaf ma yaquluhu al-khurafiyyun wal-ghulat annahu lam yamut wa annahu yahduru fi majalisihim wa hafalatihim al-bid'iyyah. Donc parmi les points bénéfiques aussi de ce hadith, il y a le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Et ce qui atteint les êtres humains en général atteint le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme exemple, par exemple la mort, hein, la maladie, la mort, hein, il n'est pas exempt de ces choses-là, et également l'agonie de la mort. Et le cheikh explique, il dit: et ça, c'est le contraire de ce que disent les superstitieux et les extrémistes parmi les gens de la superstition et de l'égarement, qui prétendent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, et qu'il vient et qu'il assiste aux fêtes et aux célébrations et aux réunions que font les gens de bid'ah. Donc, par exemple, les soufis. Donc, quand les soufis font leurs fêtes, hein, qu'est-ce qu'ils appellent parfois al-hadra? Hadra, ça veut dire... Là, ils croient que Al-Hadra, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présente. Ils disent, il vient, il se présente dans leur réunion, ou dans leur assemblée, ou dans leur fête, lorsqu'ils sont en train de danser, ou de sauter, en rond avec la musique, puis ils font leur chant, ou leur bid'a, de dhikr soufi. Donc ils font ça, et ils s'imaginent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présente à ce moment-là, et vient avec eux. Donc ça, c'est contrairement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et contrairement à ce qui est mentionné dans le Coran, et contrairement à ce que tout le monde sait, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, hein, et Abu Bakr il l'a dit, celui qui adorait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mais celui qui adorait Allah, alors Allah, il est vivant, il ne meurt pas. Donc ça, c'est clair. Le cheikh dit ensuite: wa qawluhu anna Salama wa Habiba dhakarata li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kanisatan ra'ataha bi ardi al-Habasha. Hadha hadithun sahih. قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر لعظم الخطب وإن تساهل فيه كثير من الناس أو تناسوه أو وقعوا فيه لأهمية الأمر نبه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات لحظته أو لحظة من لحظات حياته نعم فيجب أن يكون هذا الأمر محل اهتمام المسلمين فالواجب على الدعاة أن يكون أول ما يدعون الناس إليه التخلص من الشركيات وإخلاص العبادة لله ثم يدعونهم إلى حسن الأخلاق والصدق في البيع والشراء وغير ذلك من الآداب الشرعية فلا بد من الاهتمام بأسلاح العقيدة أولا. Donc le cheikh il explique que Salama, dans le hadith Salama et Habiba ont mentionné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'église qu'elles ont vue en Éthiopie. Dans ce hadith on voit que le sujet ou la question des tombeaux et l'interdiction de faire des tombeaux sur les de construire des tombeaux ou plutôt de construire des lieux de culte sur les tombeaux, ça c'est quelque chose qui se répète dans plusieurs hadiths qu'on vient de mentionner et les hadiths qu'on a lus au dernier cours aussi. Donc le cheikh il explique que pourquoi ces hadiths authentiques se sont répétés et qu'il y en a plusieurs qui mentionnent cette chose là à cause de l'importance et de la gravité de ce sujet. Et parce que les gens ont pris cela à la légère. Beaucoup de gens aujourd'hui négligent ou ils prétendent que ça c'est pas important, donc ils prennent pas ça, ils prennent ça à la légère. Et soit qu'ils ont oublié, ou soit qu'ils sont tombés dans cet égarement-là. Et c'est pour ça, à cause de l'importance de ce problème, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué, dans les derniers moments de sa vie, qu'il est obligatoire donc de tenir compte de ces choses-là et de justement ne pas tomber dans cette erreur-là que les Juifs et les chrétiens ont, dans lesquelles les Juifs et les chrétiens sont tombés. Et ça veut dire que les musulmans, ils doivent donner à ça de l'importance et c'est obligatoire pour les gens qui appellent à l'islam et qui font la da'wah qu'ils se préoccupent de ça en premier, que ça soit une priorité pour eux, c'est-à-dire de faire en sorte que ils appellent les gens à se débarrasser de toutes les différentes formes de shirk et qu'ils purifient l'adoration pour Allah seul. Puis ensuite, qu'ils les appellent au reste. C'est-à-dire qu'ils les appellent par la suite au bon comportement, d'être véridique dans la vente et dans l'achat, quand tu fais des transactions économiques avec les gens, et ainsi que les autres règles qui sont reliées aux manières de la religion. Mais il faut toujours donner à la correction de la croyance et les choses qui ont rapport à corriger la croyance des gens, ça doit toujours avoir la priorité. Le cheikh il dit ensuite وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي أن يذكر في المناسبات ما يناسبها أن يذكر في المناسبات ما يناسبها فإنه يكون أوقع في القلب وأوضح في البيان ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته والقرب من دفنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره عيدا كما اتخذت قبور الأنبياء من قبله فحذر من هذا الأمر في هذه المناسبة فإذا كان لا يجوز هذا الأمر في حقه وهو من هو فغيره من باب أولى لا سيما الملوك والأنبياء والصالحين والعلماء. Donc le cheikh il dit que les bienfaits parmi les bienfaits aussi de ce hadith il y a que il faut mentionner chaque chose dans l'occasion qui correspond, c'est-à-dire que chaque chose doit être mentionnée avec, dans l'événement qui correspond à la chose en question. Donc si tu mentionnes un bienfait ou tu mentionnes un rappel dans l'occasion où la chose se produit, eh bien ça va avoir un impact plus important dans le cœur et ça va être une clarification plus évidente et plus claire pour les gens, parce que la chose se produit et toi tu en parles à ce moment-là. Donc ça va avoir un impact plus grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il était au moment où il était en train de mourir. Il est proche de sa mort. Et il sait que bientôt, il sera enterré. Alors, étant donné qu'il craint que justement les gens prennent son tombeau comme un lieu d'adoration ou comme un lieu de visite, hein, et que les gens prennent sa tombe comme un lieu de prière, comme les chrétiens et les juifs l'ont fait auparavant, alors il avertit, hein, la Oumma de cette chose, justement parce que ça correspond à un bon moment, un moment propice pour en parler. Et le cheikh, il dit que donc si c'est pas permis de construire un lieu de culte ou un lieu de prière à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien si c'est pas permis pour lui, eh bien c'est encore plus interdit pour quelqu'un d'autre, hein, et en particulier les rois, les autres prophètes, les hommes pieux et les ulama de l'islam, hein. Donc tu vois par exemple que dans les turuq soufis, par exemple les différentes turuq des soufis, quand leur cheikh est mort, ils lui construisent une grosse mausolée et ils font par-dessus une grosse pierre, hein, ou un gros tombeau, puis ils vont mettre par la suite par-dessus des draps, hein, ou des tissus de couleur pour abrier ce tombeau-là. Puis, des fois, par la suite, autour, ils vont mettre un grillage doré avec comme une sorte de cage autour de cette tombe. Donc, les gens viennent et puis ils regardent à travers cette cage pour dire que bon, c'est un endroit qui est sacré ou qui a beaucoup d'importance parce que on l'a entouré d'un genre de cage ou d'un grillage pour empêcher les gens d'approcher, mais en même temps c'est pour montrer que, en voulant dire, on veut donner à cette personne une grosse importance. Pourquoi? Parce qu'on fait une différence entre sa tombe. Premièrement, on l'a enterré dans une mosquée ou bien on a construit sur sa tombe une mosquée. Puis on a mis dessus ce genre de tombeau, après des draps par-dessus, parfois même ils vont mettre un genre de chapeau ou un turban par-dessus sa tombe, et par la suite ils vont mettre donc ce genre de grillage, hein, et les gens ils vont là-bas, puis parfois ils vont faire des pèlerins, ils vont tourner autour, hein, et puis ils vont faire toutes sortes de bid'ah, et des fois même du shirk, ils vont les invoquer en dehors d'Allah. Donc tout ça c'est des exemples, des gamins. Puis, donc, le cheikh, il explique que si c'est pas permis de faire ça pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encore moins pour le cheikh de la tariqa, hein, c'est encore plus, plutôt, encore plus interdit pour quelqu'un d'autre, comme un cheikh d'une tariqa ou un roi. Parce que dans certains pays musulmans, par exemple, ils ont enterré les rois, ils les enterrent dans des mosquées, dans des lieux de culte, dans des endroits où les gens viennent et puis ils visitent cet endroit-là, puis c'est comme une mosquée, avec du marbre et toutes sortes d'architectures, plein de décorations, plein de travaux qui ont été faits comme des artisans, puis qui ont fait des gravures dans les murs avec le marbre, et des décorations en or, et toutes sortes de choses comme ça. Tout ça, c'est fait pour honorer la personne qui est morte, hein? Mais tout ça c'est des choses qui sont interdites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit bien l'exemple de ça, comment par exemple en Arabie Saoudite, hein, puisque les gens là-bas ont compris la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avec le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui a fait beaucoup de réformes, qui a ramené les musulmans de la région de la péninsule arabe aux pratiques authentiques de l'islam, parce qu'auparavant ils faisaient ça aussi là-bas, hein, parce que ceux qui étaient là-bas, ils n'étaient pas sur la sunna avant, hein, avant la venue de Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ses descendants. C'était des soufis, c'était des chiites, c'était des gens de différentes tendances qui n'étaient pas sur la sunna. Mais lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et l'imam Mohammed ibn Saoud et ses descendants ont fait la réforme et ramené les gens à la sunna et aux pratiques du Coran et de la sunna dans la péninsule, eh bien, toutes ces innovations et ces bid'ah et ces différentes formes de shirk, elles ont été éliminées et nettoyées et enrayées. Et partout dans la péninsule, partout dans la région, toute la région, de la Mecque, Médine et toutes les villes où ils avaient un contrôle. Hein? Ils ont détruit les tombes, les dômes, les mausolées et tous ces trucs-là. Parce que c'est interdit. Et les autres pays musulmans devraient suivre cet exemple-là. Puisque c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Hein? Et on va en mentionner, on va en parler de ça lorsqu'on va arriver à cet endroit-là dans le livre. Hein? Le cheikh il va mentionner les hadiths à ce sujet-là et puis il va parler de ça en détail. Mais tous les pays tous les pays musulmans, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, hein, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte et l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest et tous les autres pays de l'Asie et tous les pays où il y a un musulman en général, ça doit être pareil, ça doit être la même chose. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir des tombeaux élevés sur yani, les tombes des hommes pieux et des morts. Il ne doit pas y avoir de mosquées sur les tombeaux, puis il ne doit pas y avoir de tombeaux dans les mosquées non plus. Et donc ça, c'est pour expliquer que yani, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos des juifs et des chrétiens. Il a maudit ceux d'entre eux qui l'ont fait, et il a expliqué également que ceux qui faisaient ça parmi eux sont les pires créatures auprès d'Allah. Donc si c'est vrai pour les juifs et les chrétiens qui l'ont fait, c'est vrai aussi pour ceux qui le font parmi les musulmans, que ce sont les pires êtres humains, les pires créatures hein, qui ont vécu. Et le cheikh il dit ensuite wa mafadu hadha al-hadith anna Salama وأم حبيبة بنت سفيان بنت أبي سفيان زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم رأتا هذه الكنيسة وذلك لأنهما هجرتا إلى الحبشة مع من هاجر والحبشة كانت بلاد نصارى يعبد أهلها الصليب والمسيح ولهم كنائس يقيمونها لأجل عبادة المسيح والصليب وكانوا يصورون الصور ويعلقونها في الكنيسة ومنها صورة المسيح مصلوبا على خشبة بزعمهم وصورة العذراء وصور صالحيهم وغير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ووصف الفاعلين له بأنهم شرار الخلق. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que Salama et Habiba, la fille de Abi Sufyan, sont deux épouses parmi les épouses du messager d'Allah. Habiba et Habiba c'est la fille de Abu Sufyan et Salama. Hein, ce sont deux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elles sont toutes les deux, elles ont vu l'église en Éthiopie. Pourquoi elles ont vu cette église en Éthiopie, ou bien comment elles l'ont vue? C'est parce qu'elles étaient parties faire la hijra. Elles étaient parties avec ceux qui sont partis faire la hijra en Éthiopie. Et l'Éthiopie à cette époque, c'est un pays. Hein, c'est un pays chrétien. Quand on parle de l'Éthiopie, à l'époque, on l'appelait l'Abyssinie. L'Abyssinie. Et ça comprend donc toute la région qui est sur le bord de la mer Noire. Hein, le bord de la mer Noire est près du Yémen. Hein, donc, pas la mer Noire, la mer Rouge, pardon. La mer Rouge. Non, c'est ça. Donc, tout ce qui est au bord de la mer Rouge, hein, et il y a donc, il y a Djibouti, la Somalie, et il y a l'Éthiopie, il y a aussi le pays qu'on appelle l'Érythrée. Je ne sais pas si vous entendez aussi l'Érythrée. Tout ça, c'était un seul pays à l'époque, je crois. Tout ça, c'était ça faisait partie de l'Éthiopie. Et c'est avec le, c'est au sud du Soudan, hein. C'est ou bien c'est relié avec le Soudan, c'est collé avec le Soudan. Donc tous ces pays-là, c'est qu'est-ce qu'on appelait Al-Habasha, hein, l'Éthiopie, l'Érythrée, Somalie, Djibouti, tout ça. Naam. Et donc c'était des chrétiens, hein, c'était des chrétiens, et le cheikh il dit, ils avaient donc, eux c'est des gens donc qui adoraient les gens de ces régions-là adoraient la croix, et ils adoraient aussi Jésus, le Messie. Ils avaient construit des églises, et ils ont établi ces lieux-là pour adorer Yanni Jésus, pour adorer la croix aussi. Et dans ces lieux-là, ils dessinent ou ils sculptent des sculptures de Jésus ou des dessins de Jésus et de la Vierge Marie, hein, et ils les accrochent à l'intérieur de l'église. Et il dit que donc il y a parfois des sculptures de Jésus qu'il dessine ou qu'il représente crucifié sur un morceau de bois, comme ils prétendent, parce qu'ils prétendent qu'il a été crucifié, et avec aussi des images de la Vierge et des statues de la Vierge Marie. Et souvent les chrétiens, ils adorent la mère de Jésus, ils la prennent comme une déesse, hein, ils la prennent comme une déesse, et ils la prennent comme ils disent même parfois la mère de Dieu. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'idolâtrie, hein, c'est du shirk. Et parmi ceux qui se disent chrétiens, il y en a qui condamnent ça. Par exemple, qui condamnent le fait que certains adorent la statue de Marie, ou bien qu'ils adorent Marie elle-même. Il y en a qui condamnent ça. Et c'est les protestants. Donc eux, les protestants, souvent parmi les protestants, il y en a qui critiquent les catholiques, par exemple, parce qu'entre eux ils sont divisés, les chrétiens. Donc il y a les protestants qui critiquent les catholiques et qui disent: vous devez pas prier à Marie, vous devez pas faire des statues, vous devez pas prier à des croix, vous devez pas prier à des saints. Donc il y a des chrétiens qui condamnent certaines formes de shirk que d'autres chrétiens font, hein. Ouais, il y a certains chrétiens qui condamnent ce que d'autres chrétiens font comme shirk. Mais eux aussi font du shirk. Tu comprends? Donc, il y a des mouchriquins qui critiquent d'autres mouchriquins, parfois. Comme s'ils disent, par exemple, tu vas voir un chrétien, il va voir un hindou ou un bouddhiste, il va dire: ah, ça c'est du shirk, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire: ça c'est de l'idolâtrie. Mais eux-mêmes, les chrétiens, ils font la même chose. Ils adorent des statues aussi. Donc, c'est les idolâtres qui critiquent d'autres idolâtres, hein. Donc ça, ça aide pas, tu vois. Les protestants, ils prient pas à une croix ou à une statue de Jésus, ou bien peut-être pas à une statue de Marie ou des saints, mais ils prient à Jésus, quand même. Et Jésus, c'est un être humain. Hein? Eux, ils prétendent que c'est Dieu ou le Fils de Dieu. Donc, ils font eux aussi du shirk avec Jésus. Donc, c'est des différentes sortes de shirk, ok? Mais n'empêche que c'est du shirk aussi, quand même. Tandis que nous, les musulmans, on rejette tout le shirk, sans exception. Même si c'est un shirk mineur, hein, on le rejette. Hein? C'est pas permis. Et si c'est prier à Jésus, c'est du shirk, la même chose que prier à Marie ou à n'importe qui d'autre que Allah. Même si tu pries à une mouche, c'est du shirk. Hein? Peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah, c'est du shirk. Donc, ça c'est très important de le comprendre. Et ils font donc des images de ces personnages qui sont pieux. À la base, c'est des hommes pieux ou des prophètes. Et ils font leur représentation, puis ils les adorent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné tout ça. Et il a décrit ceux qui agissaient de cette façon-là comme étant les pires créatures, les créatures les plus mauvaises. Hein? Les créatures les plus mauvaises. Il dit, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ تَحْرِيمُ تَعْلِيقِ الصُّوَرِ فِي الْبُيُوتِ أَوْ فِي الْمَجَالِسِ فَإِنَّ هَذَا فِيهِ مُدْعَاةً لِعِبَادَتِهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَدِينُنَا قَدْ جَاءَ بِسَدِّ الْوَسَائِلِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الشِّرْكِ وَالْبِدْعَةِ وَالْمَحَاذِيرِ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَحَاذِيرِ. Donc le cheikh il dit, parmi les bienfaits de ce hadith, c'est qu'il y a l'interdiction d'accrocher ce genre de statues ou d'images dans les maisons ou dans les endroits où on se rassemble. Et parce que la raison, c'est que ça, c'est des choses qui appellent à faire, hein, à faire du shirk et à les adorer en dehors d'Allah. Et notre religion est venue fermer la porte à tout ce qui peut amener au shirk. Donc c'est pas seulement le shirk lui-même qui est interdit, mais même si une chose n'est pas shirk, si elle peut amener les gens à tomber dans le shirk, elle est interdite elle aussi. Comme par exemple la bid'a et les choses interdites de façon générale. Et il n'y a pas de doute que le fait de construire ce genre d'image ou de construire ce genre de statue, que ça c'est quelque chose qui amène à tomber dans le shirk. Et le cheikh il dit, hein, parce que des fois souvent les gens disent, aujourd'hui on est à une époque moderne, hein, les gens disent, on est à une époque moderne maintenant. Les gens, tu vois des gens, c'est des docteurs, des ingénieurs, hein, des gens qui ont des niveaux, des degrés scientifiques, hein, l'esprit rationnel, et ils ont, comme ils disent, ils regardent les choses de façon scientifique. Sauf que dans les croyances et dans la religion, ils sont dans le shirk. Et ils croient en des superstitions, des choses qui sont insensées. Hein. Tu peux voir par exemple, quelqu'un qui est ingénieur, informaticien, médecin, très éduqué. Puis après, quand il rentre dans le temple des hindous, il se prosterne devant une statue de Ganesh. Hein. Et c'est qui Ganesh? C'est le dieu avec la tête d'éléphant. Il s'appelle Ganesh. Ouais. Ils disent c'est le fils de Rama. Et que quand il était arrivé une fois, quand il est né, son fils, il était bébé. Il partait à la guerre. Il est revenu, peut-être 15 ans après, ou je sais pas, 20 ans après, il est arrivé devant chez lui, il a trouvé un jeune homme, hein, et il l'a vu, il dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il sait pas que c'est son fils, parce qu'il a grandi, maintenant il est devenu un homme. Alors il lui a coupé la tête. Il a coupé la tête de son fils. Sa mère est sortie, elle pleurait, elle criait, oh non, c'est ton fils, pourquoi tu l'as tué? Mais qu'est-ce qu'il avait? Il a pris une tête d'éléphant, il l'a mis sur son fils. Depuis ce temps-là, ils adorent un dieu avec une tête d'éléphant. Non, mais ça, c'est des superstitions, c'est des légendes. C'est pas réel. Mais c'est comme ça, les mouchriquines. Ils inventent des histoires. C'est comme la mythologie. La mythologie grecque, mythologie égyptienne, la mythologie indienne, c'est la même chose. Tout ça, c'est du shirk. Il y a des histoires de shirk, d'idoles et tout. C'était des êtres humains qui vivaient, des fois peut-être c'était des héros dans leur pays. Ils ont fait des guerres, ils ont gagné des guerres, ils étaient forts, ils étaient courageux. Les gens les aimaient beaucoup, alors ils les ont élevés. Ils ont raconté à leur sujet des histoires, puis les gens ont commencé à croire que c'était des dieux. Et commencent à les adorer par la suite. Hein? Oui, Ganesh. C'est pas obligatoire de connaître les noms des idoles des mouchriquines, mais il y en a comme ça, Rama, Vishnu, Ganesh. Même ils ont même des parties génitales de ces dieux-là, ils les adorent. Ouais. Donc, par exemple, l'organe génital de l'homme et de la femme. La femme, c'est Yogi, et celle de l'homme, il l'appelle comment on appelle Lingam. Ils adorent ça. Hein? Pourquoi? Pour célébrer la fécondité et puis les trucs comme ça. Donc quand c'est ces divinités-là, ils adorent ces formes comme un organe de mâle et un organe femelle. Hein? Des fois, c'est des représentations d'animaux. Le dieu singe, le dieu... hein, le dieu rat, la vache, ils adorent la vache parce que c'était l'idole préférée de, ou l'animal préféré de Krishna, un de leurs dieux, hein. Donc ils adorent la vache, ils n'ont pas le droit de manger de, hein, s'ils t'attrapent là-bas en Inde, que tu es en train de manger de la vache, ça va aller mal pour toi. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour dire, yani, tu vois comment l'égarement de ces gens-là. Hein? Et j'écoutais l'autre jour à la radio, il y avait un hindou, c'est pas un hindou, c'est un bouddhiste. Il parlait, il disait, imagine si tu étais un poisson, puis que quelqu'un te pêche, il te sort de l'eau, puis après il te tue, puis il te mange. Est-ce que tu aimerais ça? Donc ça veut dire, toi tu dois pas faire la même chose. Tu dois pas manger les poissons. Ou bien, si tu imagines si tu es un mouton ou une vache ou un animal, puis qu'on te tue, tu es un animal pour le manger, c'est la même chose que tu es un être humain. C'est un meurtre pour lui. Hein? Même tuer un insecte, il pense que tu tues un insecte, c'est comme si tu as tué un être humain. Hein? Donc, c'est des gens, ils n'ont aucune guidance. Ils n'ont pas de distinction. Ils ne savent pas que, par exemple, Allah, il a créé les animaux pour qu'on les mange et pour nous servir. Hein? Donc, ils mettent tout à égalité. Et ça, c'est de l'injustice. Et c'est de l'ignorance. Mais c'est ça ce qui arrive quand on est sur le shirk. Hein? Allah Musta'an. Après, où est-ce qu'on était rendu? Donc, oui, on a parlé de ça. C'est pas catholique, hein. C'est ben, je sais pas. À l'époque, tu sais, les gens mélangent. Il y avait beaucoup de mélange. Les chrétiens, ils sont vraiment mélangés depuis longtemps. Donc peut-être c'était orthodoxe. Les chrétiens d'Éthiopie, je pense que c'est plus des orthodoxes que des catholiques. Ils ont leur propre pape. C'est comme l'église les chrétiens de la Russie, de la Grèce. Des pays arabes, l'Égypte, ils ont leur propre pape. Même les chrétiens de la Russie, ils ont leur propre calendrier. Ils n'ont pas le calendrier grégorien comme les catholiques. Même la date de Noël, pour eux, c'est pas la même date que à la date des chrétiens. Ils ont leur propre Noël. Ils ont le Noël orthodoxe, hein, ou je sais pas comment ils l'appellent. Sans parler des protestants, des autres, hein. Il y en a des sectes parmi les sectes chrétiennes, ils rejettent par exemple Noël, les trucs comme ça, ils ne croient pas en ça. Parce qu'ils sont tous divisés entre eux. Non. Oui. Donc, le cheikh il dit ensuite, وفيه أن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق من شرار الخلق. قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. فمن يبني على القبور فهو من شرار الخلق وقد جاء في الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون على القبور هم شرار الخلق مع أنهم الآن يدعون أنهم صلحاء الناس وأن فعلهم هذا يدل على محبة الأولياء والصالحين ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن هذا هو جماع الخير مع أنه جماع الشر وفاعله هو من شر الناس والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que il y a aussi dans le hadith que celui qui fait cette action là, c'est-à-dire qui construit des statues ou des images ou qui construit des églises sur les tombes des hommes pieux ou des choses comme ça, ceux-là sont les pires créatures, sont les hommes les plus mauvais pour Allah. Et il dit que donc de construire sur les tombeaux, ça c'est l'action des pires parmi les créatures. Et il y a un autre hadith qui mentionne que c'est les gens, les pires des hommes sont ceux qui seront vivants au moment où l'heure du jugement va venir. Il a dit, les pires hommes, ce sont ceux qui, au moment de l'heure du jugement dernier, ils vont être vivants. Ce sera les pires hommes qui vont vivre. Hein, parce qu'on sait que avant la fin des temps, avant la fin du monde, l'heure du jugement dernier, il y a comme un genre de vent doux, hein, qui va venir, qui va prendre l'âme de tous les croyants. Il ne restera plus aucun croyant sur la terre. Il va rester que les pires, hein, mécréants, les plus mauvais des hommes. Et c'est à ce moment-là que yani, le jugement va être établi. Et donc ceux sur qui le jugement va être établi, ce seront les pires des hommes. Hein. Et le cheikh il a dit ensuite, « Walladina yabnoun » donc ceux qui construisent, qui ont construit sur les tombeaux, des mosquées ou des tombeaux ou des dômes ou une construction quelconque, hein, mausolée ou autre, sont les pires créatures, hein. Et il dit que malgré qu'aujourd'hui les gens prétendent que ce sont les meilleurs hommes, non, ce sont les pires ceux qui font ça. Et ça prouve que ceux qui agissent comme ça, hein, ils prétendent que, il dit, ceux qui agissent comme ça, ils pensent que ce sont pour indiquer ou pour prouver qu'ils aiment les hommes pieux, ou qu'ils aiment le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'ils aiment, hein, les gens. Donc, le fait de ils ont, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inversé les choses. Ils ont mis les choses à l'envers. Qu'est-ce qui est un signe que la personne est parmi les pires êtres humains, les plus mauvais parmi les hommes? Eux, ils en ont fait un signe d'amour du prophète ou d'amour des hommes pieux. Donc c'est comme pour dire, ils ont inversé la religion. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui font ça, c'est les pires êtres humains, les plus mauvais, et eux ils disent, non, c'est les meilleurs, c'est ceux qui aiment les hommes pieux. Donc le cheikh il dit que c'est en fait, non, les gens qui ont réuni tout le mal, et ce sont des gens du mal. Et il dit, ceux qui font ça, donc, ce sont les pires hommes. Wal'iyadhu billah. Ensuite, il parle d'un autre sujet, c'est l'interdiction des femmes, hein, de visiter les cimetières et les tombeaux. Et là, il va parler du hadith à ce sujet-là. Il dit, « Qawluhu, hein, man'un nisa'i min ziyaratil qubur. Qawluhu, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zairatil qubur. وهذه سورة أخرى تتعلق بالقبور وهي زيارة النساء لها والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في هذا الحديث صنفين من الناس الصنف الأول زوارات القبور وهن النساء والنساء ممنوعات من زيارة القبور لما يعتريهن من النقص والتأثر لا سيما إذا رأت قبر عزيز عليها قبر عزيز عليها فيحصل منها جزع ونياحة ولأجل أنها عورة فربما لاحقها الفساق في المقابر فيحصل من جراء ذلك جرائم أخلاقية وفواحش كما هو الواقع اليوم في المقابر التي يزورها الرجال والنساء ويحصل فيها اختلاط وخلوة فإن في هذه الزيارة mafasida kathira. Donc le cheikh il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes, et ça c'est une autre parmi les facettes, hein, qui sont reliées au tombeau, c'est-à-dire les visites des femmes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il mentionne deux catégories de personnes. Il a maudit premièrement, la première catégorie, c'est celles qui visitent les tombes. Donc c'est les femmes. Et les femmes, dans ce sens-là, elles sont interdites de visiter les tombeaux et les cimetières. Pourtant, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, surtout quand il y a des mausim, des endroits où ils célèbrent, par exemple, la fête d'un wali, d'un homme saint ou d'un pieux. Et ceux qui vont faire le plus participer à ces activités de shirk et de bid'a sont les femmes. Si tu vois par exemple quand il y a la tombe d'un homme pieux ou d'un saint quelque part, c'est les gens qui vont plus être qui vont plus être encouragés ou qui vont faire plus d'efforts pour assister à ces choses-là et participer à ces activités-là, ce sont les femmes, plus que des hommes, subhanallah. Donc il y a une sagesse dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les femmes de faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui est étonnant dans les pays musulmans, c'est que tout ce que l'islam a interdit, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans la sunna, c'est ça ce que tu trouves les gens font. Quand il a interdit de construire des mausolées et des dômes et des constructions sur les tombeaux, les gens le font. Il a interdit aux femmes de visiter les tombes, ou les femmes le font. Tout ce qui est interdit, c'est ça ce que les gens font le plus. C'est ça qui est bizarre. Hein? On dirait que des fois, c'est comme je disais une fois, on dirait qu'ils ont lu le Coran, ils ont lu les hadiths, puis ils ont dit, bon, tout ce qui est écrit là-dedans va faire le contraire. Hein? Comme les juifs. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Donc on voit cette catégorie et il y a ça. C'est vrai, c'est des choses qui existent. Le cheikh il dit pourquoi la femme elle est interdite de visiter les tombeaux. C'est parce que la femme elle est plus faible et elle est plus affectée. Lorsqu'elle voit la tombe de quelqu'un qui est proche et de quelqu'un qui est cher à elle, hein, qui lui est cher, elle va pas pouvoir se retenir. Hein, elle commence à crier, elle commence à se lamenter, et yani, peut-être même qu'elle va se découvrir. Hein, elle va pas, yani, porter, elle va enlever ses vêtements ou déchirer ses vêtements ou des choses comme ça. Donc, ça c'est pas propice, c'est pas quelque chose qui est correct. Et peut-être même qu'il y a certains hommes parmi les pervers qui vont profiter de ces moments-là ou de ces endroits-là pour essayer de. Les agresser ou faire quelque chose criminel avec elle, on ne sait jamais. Et donc, ça, c'est des turpitudes et des péchés qui se produisent aujourd'hui dans les cimetières où les femmes vont pour visiter et il se passe dans ces endroits mixtes, ou bien ces endroits-là où les gens sont mélangés, hommes-femmes, et aussi où il y a parfois des hommes qui s'isolent avec des femmes qui ne sont pas. Permises pour eux, hein, et ils vont justement profiter pour faire des choses interdites dans ces endroits-là, et ça fait partie des méfaits de la visite des femmes de ces lieux-là. Et le cheikh il dit ensuite وَاللَّعْنُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْعَمَلْ كَبِيرًا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ لِأَنَّ الذَّنْبَ إِذَا رُتِّبَ عَلَيْهِ لَعْنَةٌ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ فدل على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب سواء كان قبرا واحدا أو قبورا كثيرة وسواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو قبور غيرهم فإن الحديث عام بل إن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للنساء تكون أشد فتنة لأنهن ضعيفات ويتأثرن بالدعايات والخداع فهن أقرب إلى الفتنة فلذلك المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقا سواء كانت قبورا لأقاربها أو لغيرهم فعلى نساء المسلمين أن يتنبهن لهذا الأمر الخطير. Donc le cheikh il dit que quand un péché est mentionné avec une malédiction, eh bien ça c'est un signe que cette action-là fait partie des grands péchés. Et donc, ça prouve que le fait que la femme visite les tombeaux, ça c'est quelque chose qui est parmi les grands péchés pour elle. Et il dit, peu importe que ce soit une seule tombe ou que ce soit plusieurs tombeaux comme dans les cimetières, ou peu importe que ce soit la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, ou bien que ce soit la tombe de quelqu'un d'autre, le hadith il est général. Et donc, ce n'est pas permis pour elle de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la tombe de ses deux compagnons. Et pourquoi? Parce qu'il y a dans ça une grande fitna pour elle, parce qu'elles sont faibles et elles se laissent affecté beaucoup par les les fausses publicités ou les tromperies et toutes sortes de choses comme ça, hein. Et donc elles vont être affectées facilement. Les gens, par exemple, les gens dans les pays musulmans, souvent ils disent, ah, si t'es malade ou si ton enfant est malade, va voir la tombe d'un tel, tu vas être guéri, il va te donner la guérison et tout. Elle, elle est faible, elle va aller voir les médecins, elle va aller voir les trucs, si ça ne marche pas, l'enfant est toujours malade, bon, elle dit, oh, on va aller essayer d'aller voir le wali ou la tombe d'un tel, peut-être que lui, il va le guérir. Elle sait que c'est du shirk, ou peut-être qu'elle ne le sait pas, mais elle va aller voir la tombe, et va demander aux morts, au lieu de demander à Allah seul, puis elle va tomber dans le shirk à cause de ça. Ou bien des fois, yani, c'est les tombeaux de ses proches, puis elle se sent, elle va les visiter, puis elle est faible, donc elle va là-bas, puis elle commence à se lamenter, crier, des choses comme ça. Le cheikh il dit, donc ça c'est la preuve que la femme elle est plus proche de la tentation dans ces choses-là, et qu'à cause de ça, ça lui est interdit de façon absolue de visiter les tombeaux, peu importe. Même si c'est les tombeaux de ses proches ou d'autres personnes, il dit la femme elle doit savoir que ça c'est quelque chose de très dangereux. Après le cheikh il dit, « Amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha » فهذا يخصص بحديث لعن زوارات القبور لعن زوارات القبور فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى النساء في هذا الحديث فهو مخصص لقوله زور القبور بأن المقصود الرجال فقط دون النساء. Donc le cheikh il dit qu'il y a un autre hadith qui dit je vous avais interdit de visiter les tombeaux, maintenant visitez-les. Donc, il y a un hadith qui disait ça. Parce qu'au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux sahaba d'aller visiter les tombeaux et les cimetières. Il leur avait interdit. Et à un moment donné, il leur a dit, dans le passé, je vous ai interdit de visiter les tombeaux. Maintenant, vous pouvez les visiter. Parce que ça vous rappelle de la mort. Hein? Et aussi parce qu'au début, les gens, peut-être, ils n'avaient pas encore connu comme il faut le tawhid et la religion. Donc, pour éviter qu'ils tombent dans des bid'ah ou dans le shirk, il leur a interdit de visiter les tombeaux et les cimetières. Par la suite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'ils ont compris mieux, il leur a permis de le faire, mais pour se rappeler de la mort, pas pour aller adorer les morts, hein, parce que ça c'est shirk. Et donc, ici, il dit que ce hadith-là, il est restreint par la compréhension du hadith est restreinte par le hadith qui interdit aux femmes de visiter les tombeaux et qui maudit celles qui visitent les tombes et les cimetières. Et donc ça c'est une exception, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de visiter les tombeaux excepté aux femmes. Ouais, excepté aux femmes. Bien entendu, il faut comprendre une chose, c'est pas parmi les ulama, Il y en a qui divergent de cette opinion. Parmi les ulama, il y a des ulama qui disent c'est pas interdit à la femme. Mais le cheikh Al-Fawzan est en train de ramener les arguments et les preuves de ceux qui ont mentionné que c'était interdit pour la femme de visiter la tombe, et il mentionne donc les hadiths qui sont reliés à cette position-là. D'accord ? Et en même temps, il répond aux arguments de ceux qui disent que c'est permis. Comme par exemple, peut-être que certains vont dire que le hadith, je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les. Donc quelqu'un va dire, avant c'était interdit, maintenant c'est permis, pour les hommes et pour les femmes. Et le cheikh dit non, c'est le contraire. Avant c'était interdit pour tout le monde, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis, sauf aux femmes. Hein? Sauf aux femmes, parce qu'il a maudit les femmes qui visitaient les tombeaux. Après, le cheikh il dit, وأما الإجابة عما يستدل به الإجابة عما يستدل به من يجيز للنساء زيارة القبور. C'est ça qu'il explique maintenant. Il dit la réponse à ce que les autres ulama utilisent comme argument pour permettre aux femmes de visiter les tombeaux. C'est-à-dire que ceux parmi les ulama qui disent que oui, c'est permis à la femme de visiter les tombeaux, ils ont ramené des arguments pour essayer de défendre leur position ou supporter leur position. Voici ce que le cheikh il mentionne comme réponse à ces arguments là. Il dit أما كون النساء كانت تزور القبور أول الأمر أو ما ورد من أن عائشة زارت قبر أخيها فزيارة النساء للقبور في أول الأمر نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور فهذا ناسخ لما كان قبله Donc le cheikh il explique qu'il y en a qui mentionnent par exemple le fait que Aïcha radiallahu anha elle a visité la tombe de son frère et qu'au début donc les femmes elles visitaient les tombeaux. Le cheikh il dit donc il dit ça c'est quelque chose qui était au début mais après ça a été abrogé. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite que les femmes, que Allah a maudit les femmes qui visitaient les tombes. Ça prouve que ça, donc c'est quelque chose qui a été abrogé. C'est-à-dire, avant c'était permis, mais par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Après il dit, وَأَمَّا فِعْلُ عَائِشَةَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ وَمَا دَامَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ أَحَدٍ أَوْ فِعْلِ أَحَدٍ مَعَ وُجُودِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ فِعْلِ من فعل ذلك فهي فعلت هذا اجتهادا منها رضي الله عنها وربما يكون الحديث لم يبلغها فعلى كل حال الكل محجوج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Le deuxième point, qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan il mentionne, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'action d'un sahabi comme une preuve pour rejeter qu'est-ce qui a été mentionné dans un hadith authentique. Donc, le cheikh dit l'action d'Aïcha, le fait qu'elle ait visité son frère, ce n'est pas une preuve pour contredire le hadith. Hein? Du moment qu'elle a contredit le hadith, alors on n'a pas à prendre en considération la parole ni l'action de quiconque. C'est-à-dire, quand il y a un dalil, un hadith authentique, on n'a pas le droit de se baser sur cette parole d'un sahabi ou de quelqu'un d'autre parmi les ulama pour contredire le hadith ou bien les actions ou les paroles de quelqu'un, de quiconque. Et donc elle, Aïcha radiallahu anha, peut-être qu'elle a fait cette visite de la tombe de son frère par ijtihad, c'est-à-dire elle a utilisé son jugement, puis elle a considéré que c'était quelque chose de bien. Peut-être aussi qu'elle n'a même pas entendu le hadith, peut-être que le hadith en question lui était pas parvenu et qu'elle, elle l'a fait justement parce qu'elle jugeait que c'était quelque chose de bien. Mais une fois que toi tu es au courant du hadith, eh bien c'est une preuve, hein? Et donc tu ne peux pas le contredire à cause de la parole ou de l'action de quelqu'un d'autre. Après le cheikh il dit comme troisième explication, وَأَمَّا قَوْلُ أُمَّ عَطِيَّةِ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا فَالشَّاهِدُ مِنْ قَوْلِهَا نُهِينَا كَافٍ لِلْمَنَعِ لأن النهي يقتضي التحريم أما قولها لم يعزم علينا فهذا فهمته هي رضي الله عنها فالحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور بأي حال من الأحوال وإذا أرادت أن تنفع قريبها أو ميتها فإنها بدل أن تزور قبره تدعو له وهي في مكانها وتستغفر له وتتصدق عنه وتفعل ما جاءت الأدلة بفعله. Donc le cheikh il explique qu'il y a un autre hadith qui est la parole de qui mentionne la parole de Atiya, Umm Atiya. Elle dit on a été interdit de suivre les funérailles, mais ce n'est pas quelque chose qui a été disons, ça nous a pas été comme si on n'a pas insisté là-dessus. On voulait dire, c'est quelque chose qui nous avait été interdit de faire, mais c'est pas quelque chose qu'on. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était quelque chose qui a été fait, mais qui a été interdit, mais c'était interdit comme les gens prenaient pas ça sérieusement, ou fermement. Et le cheikh il explique que. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette parole? De toute façon, c'est que ça a été interdit. Puisqu'elle a dit, nous avons été interdites. Et ça, c'est suffisant pour prouver l'interdiction. Et l'interdiction implique, l'interdiction implique que c'est quelque chose qui est haram de le faire. Puisque, comme on dit en arabe, al-nahyu yaqtadi al-tahrim. Donc l'interdiction implique que c'est haram, que c'est interdit. Et il dit ensuite, mais la parole qu'elle dit par la suite, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا, c'est-à-dire on n'a pas insisté sur ça par rapport aux femmes, et bien ça, c'est sa compréhension à elle. C'est sa compréhension à elle, mais ce n'est pas une preuve. Et donc, le cheikh explique donc que ça, c'est clair dans ce cas-là, que la femme n'a pas le droit de visiter les tombes dans aucun cas. Et si elle veut profiter, c'est-à-dire elle veut faire un bien quelconque à un proche à elle qui est mort, ou quelqu'un qui est décédé, elle veut faire du bien pour cette personne, donc au lieu d'aller à la tombe, de visiter la tombe elle-même, elle peut invoquer Allah pour elle de là où elle est. C'est-à-dire, elle est chez elle, puis elle demande à Allah de pardonner aux morts et de le faire entrer au paradis. Il n'y a pas besoin d'aller à la tombe pour faire ça. Et il dit aussi, elle peut demander pardon pour le mort et faire des sadaqas pour le mort. Par exemple, donner de la nourriture pour les pauvres, puis elle offre la récompense de ça pour le mort. Ou des choses qui sont prouvées par les preuves de la charia, qui sont permises de faire, il y a des actions qui sont permises de faire pour profiter le mort, elle peut les faire dans ce cas-là, oui, mais pas, sans aller à la tombe elle-même. Après, le cheikh, il parle d'un autre point, il dit « Ma'na ittikhadh al-masajid ala al-qubur ou ittikhadh al-qubur masajid » hein? « Qawluhu wal-muttakhidhin alayha al-masajid » والمساجد يعني مصليات سواء بني عليها مسجد أم لم يبنى ولكن تزار ليصلى عندها أو في ولو في الفضاء فهذا من اتخاذها مساجد ولذلك لا تجوز الصلاة عند القبور فمن المواطن التي تحرم الصلاة فيها المقبرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي يصلي لله لأن صلاته في هذا المكان وسيلة إلى تعظيم القبر وربما ظن أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في مكان آخر فيفضي هذا إلى الشرك بالله. Donc le cheikh il dit qu'est-ce que signifie de prendre les lieux de culte pour des tombeaux ou de prendre les tombeaux pour des lieux de culte, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh explique que le terme masajid ça veut dire les endroits où on prie, les endroits dans lesquels on prie, peu importe que c'est un endroit qui a été construit pour être une mosquée ou un endroit qui n'a pas été construit et que les gens visitent pour aller prier à ces endroits-là, même si c'est un endroit vide, un espace vide. Hein, si les gens font exprès pour aller là-bas, hein, et pour prier parce qu'il y a des tombes là-bas, dans ce cas-là, ils l'ont pris comme un lieu de culte, comme une mosquée. Et le cheikh, il dit qu'il n'est pas permis de prier près des tombeaux, et là où il y a des tombeaux. Ça fait partie des endroits ou des lieux dans lesquels on n'a pas le droit de prier parce que il y a un cimetière ou bien il y a une tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier près d'une tombe. Même si la personne qui prie à cet endroit-là, elle ne prie pas la tombe, elle prie Allah, même si elle prie à Allah seul, ce n'est pas permis de faire la salat à cet endroit-là. Parce que le fait de faire la salat à cet endroit, c'est quelque chose qui amènera les. Qui peut amener à vénérer la tombe. Hein, et à respecter cette tombe, mais à faire tomber les gens par la suite dans le shirk, ou bien à penser que le fait de prier à cet endroit-là, la prière est la plus de valeur ou elle est meilleure à cet endroit-là qu'ailleurs. Et ça, ça va ramener les gens à tomber dans le shirk avec Allah. Le cheikh il dit ensuite, حكم إضاءة المقابر. Et ça c'est le dernier point qui a été mentionné à propos du hadith en question par rapport à l'éclairage des cimetières et des tombes. Et le cheikh il dit حكم إضاءة المقابر, le verdict au sujet d'éclairer les tombeaux ou les cimetières. Et il dit قوله والمتخذين عليها السروج يعني الإضاءات فلا يجوز أن تضاء المقابر بالمصابيح أو السرج أو بالكهرباء لأن هذا مدعاة لتعظيمها وتعلق قلوب العوام والجهلة بها فإذا أنيرت ووضع عليها المصابيح صار هذا جالبا للزوار ومعلقا لقلوب العوام والجهال بها فيزداد بذلك الشر وليس هناك أفضل من قبور الصحابة بالبقيع ومع ذلك لم يحصل فيها إسراج منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن والحمد لله. أما إذا كان الدفن بالليل فإنه يؤتى بمصباح أو نحوه يضاء بقدر الحاجة فقط ثم يذهب به، أما أن تضاء القبور دائما ويقال هذا من أجل من جاء للزيارة ليلا أو لأجل من جيء به ليدفن ليلا فهذا لا يجوز، يعني لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيجب التنبه لهذا الأمر الخطير، فهذا فيه سد الذرائع المفضية إلى الشرك. وإذا بني على القبر وأضاء وأضيء بالمصابيح والكهرباء ووضعت عليها السطور والصناديق النذور ووضعت عندها مباخر ومجامر بأنواع البخور والعطور وجلس عندها السندة كما عليه كثير من الأضرحة اليوم، فإنه يحصل عندها الشر الأكبر والاستغاثة بالأموات والعكوف عند قبورهم، وعندها تعود الوثنية والجاهلية التي تحصل عند اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. Donc le cheikh explique que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que Allah a maudit donc les femmes qui visitent les tombeaux et ceux qui prennent des lanternes ou des chandelles ou de l'éclairage auprès des tombes, eux aussi sont maudits. Et le cheikh il dit ça prouve qu'il n'est pas permis d'éclairer les cimetières et les tombeaux ni avec des lanternes ni avec des chandelles ni avec de l'électricité, parce que ça c'est quelque chose qui amène les gens à vénérer les tombes et à accrocher le cœur des gens ignorants à ces tombeaux là et à ces morts. Lorsqu'on les éclaire, eh bien ça amène les gens à venir plus pour les visiter, et les gens parmi les gens ordinaires et les gens ignorants, ils vont s'accrocher à ça, commencer à augmenter le mal qui se passe dans ces endroits-là. Et il n'y a pas de tombeau meilleur que ceux des Sahaba dans le Baqir, et malgré tout, il n'y a jamais eu d'éclairage. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, dans ces tombeaux-là. C'est-à-dire que les gens, comme le cheikh il explique, il dit, si c'est pour venir enterrer quelqu'un la nuit, il dit, tu peux ramener une lanterne avec toi, comme c'était le cas. Je me rappelle quand on était à Médine, on allait souvent pour la janaza. Après chaque prière, il y a pratiquement une janaza en Arabie Saoudite, surtout à Médine puis à Mecca. Donc après la prière, ils appellent, ils disent « As-salat al-amwat », là on fait la salat, et puis après, ceux qui veulent suivre la janaza, ils peuvent suivre la janaza jusqu'à Al-Baqir. Et quand c'est la nuit, ils amènent, la personne elle amène comme une sorte de lanterne ou une lampe de poche, et elle vient, elle éclaire le chemin, elle éclaire le trou, et puis on dépose, quelqu'un descend pour déposer le corps dans le trou, et c'est tout. On ne va pas mettre un éclairage électrique à l'intérieur du cimetière pour qu'il y ait un éclairage toute la nuit, non. Et c'est ça que le cheikh il explique. Tu as besoin de lumière pour enterrer le mort, tu amènes l'éclairage que tu as besoin avec toi, puis tu pars avec. Tu ne vas pas rester mettre un éclairage permanent dans le cimetière. Et donc il dit, ça c'est pas permis. C'est pas permis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et donc il faut faire attention à cette chose-là, puisque c'est une chose dangereuse. Et l'interdiction de ce genre d'éclairage, c'est pour fermer la porte à ce qui pourrait arriver par la suite comme shirk. Et surtout si on a construit par-dessus la tombe une construction quelconque, soit une mosquée ou autre, un mausolée ou un dôme, et puis qu'on rajoute à ça de l'éclairage et de l'électricité, eh bien après les gens ils ont rajouté même des rideaux, Ils mettent des rideaux sur le tombeau et ils mettent une boîte pour que les gens viennent mettre leurs dons et leurs vœux dedans. Et il dit, ils mettent aussi des trucs pour brûler de l'encens, après du parfum. Puis il y a des gens qui sont là, eux c'est les gens qui sont chargés de s'occuper de la tombe. Donc ils sont assis à côté et les gens leur donnent de l'argent parce que c'est eux qui sont responsables, soi-disant, d'entretenir ça. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui arrive? Ça devient une grosse bid'a à la fin, puis même il y a du shirk qui se passe dans ces endroits-là, et les gens appellent au secours quand ils ont besoin d'un secours, au lieu de demander à Allah seul, ils demandent aux morts, et ils se tiennent devant les tombes pour demander aux morts, ou invoquer les morts, ou faire des du'as, ou des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que c'est l'idolâtrie de la jahiliya qui revient, comme les gens faisaient avec Allat wal Uzza wa Manat. Et bien maintenant, ils vont le faire encore dans les cimetières. Donc ça, c'est dangereux. Et donc, le cheikh, il dit, cheikh al-Islam, on va finir avec ça, il dit, فهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. Donc le cheikh dit, ça c'est l'avertissement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la malédiction de ceux qui agissent de cette façon, c'est pour nous avertir de ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens, les gens du livre, dans le fait de construire une mosquée ou un lieu de prière sur la tombe d'un homme pieux, et l'interdiction donc de leur ressembler dans cela est explicite et claire, et c'est une preuve qu'on doit faire attention de tout ce qui a rapport avec ce genre d'œuvre ou de ce genre d'action de leur part, et on n'est pas épargné ou à l'abri que si on les imite, on tombe dans ce genre d'action, les choses de cette catégorie là. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique un petit commentaire là-dessus. Il dit, هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على قبر الرجل الصالح ولعن من يفعل ذلك صريح في النهي عن مشابهة أهل الكتاب في غلوهم في قبور الصالحين وهذا التشبه هو من أخطر الأنواع لأنه إما أن يكون شركا أو وسيلة إلى الوقوع فيه وأعمالهم الأخرى لا يأمن أن يدخلها التحريف والتغيير والتبديل ثم إن دينهم قد نسخ بدين الإسلام فما جاءنا به الإسلام عملنا به وما نهانا عنه انتهينا ولا ننظر إلى ما في دين اليهود والنصارى ونستحسن فعلهم فإن الله أغنانا بدين الإسلام فكيف لا والله قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. Donc ça c'est le commentaire de Cheikh Al-Fawzan. Il dit que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit de ne pas prendre les tombeaux des hommes pieux comme lieu de prière et lieu d'adoration, et il a maudit ceux qui faisaient cela, et ça c'est explicite dans l'interdiction de ressembler aux gens du livre, comme on l'a mentionné, dans leur exagération au sujet des tombes de leurs hommes pieux, et alaykoum salam wa rahmatullah, et aussi donc de leurs autres actions qu'ils font. Et les autres choses qu'ils font dans leur religion de façon générale, eh bien ils sont pas exemptés de tomber dans des formes de falsification ou de changement, puisqu'on sait que leur religion elle a pas été gardée dans sa forme originale, elle a été falsifiée et changée et déformée par eux. Donc et même si ça n'avait pas été changé ou falsifié, leur religion, elle a été abrogée par la religion de l'islam. Donc même si elle était restée intacte et qu'elle n'était pas falsifiée, eh bien, l'islam que Allah nous a donné, c'est ça qu'on doit appliquer, et on a été interdit de suivre leur religion ou leur voie ou leur pratique. Et donc on n'a pas le droit de dire, par exemple, on va regarder qu'est-ce que les juifs font ou qu'est-ce que les chrétiens font, puis on va faire qu'est-ce qu'ils font. On n'a pas le droit de dire ça. Parce que, hein, comme on a dit, Allah il nous a donné ce qui nous suffit, qu'est-ce qui est meilleur, c'est-à-dire la religion de l'islam, et donc on n'a pas le droit donc de prendre des références d'ailleurs ou d'autres, même si c'est des juifs ou des chrétiens. Et il dit surtout que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parfait notre religion, et il nous a parachevé sa grâce et son bienfait. Donc on doit se limiter à qu'est-ce que Allah nous a donné, et c'est la meilleure voie et la plus claire et la plus vraie. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.